Bonjour à tous, je m'appelle Lou. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour Lou. Moi, je m'appelle Elodie. Et vous ? Alexandre. Et moi, je m'appelle Théo. Bonjour Théo, bonjour Alexandre.